s'entasse sans aucune beauté. Elle s'élève bien droit, sans jamais toucher le ciel qui semble ici juste un peu plus gris. Elle ne fond sans jamais rougir que le cacher dans un camaïeu grisâtre qui s'exerce jusqu'à sous nos pieds. Et l'effet serait le même si on marchait sur ce ciel gris. J'attends la nuit pour voir les arbres se changer. À la lueur des étoiles, ils deviennent eux aussi cendrés. Et ma main posée dessus prend la même couleur, à supposer que le gris en soit une. Quelque chose de flou.